La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 Saint-Félicien, au numéro de téléphone 418-679-0900. En ce moment de... L'équipe de Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre, 118 rue de Quin, Dolbeau-Mistassini, 418-276-8724. Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre vous offre un service à la mesure de vos droits. Les employés et la direction du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à tous ses membres. Paix, santé et amour et une bonne saison 2019. Suivez-nous afin de profiter des différentes promotions pendant la prochaine année. Le club de golf Domaine Lac-Saint-Jean, 776 rue principale à Saint-Prime, 418-251-2831 ou visitez legolfsaintprime.qc.ca ainsi que la page Facebook. Samedi 22 décembre, 20h, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite des excavations à savoir de la Haute-Côte-Nord au complexe sportif de Dolbeau. Prix du billet seulement 8 $. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Go Multi, go! On va parler de motoneige avec notre ami Louis Gariépy. Bonjour, M. Gariépy. Bien, bonjour. M. Gariépy, c'est la flotte, il mouille, il pleut à boire debout un peu partout au Québec. L'impact que ça a sur la motoneige? Ben écoutez, c'est sûr que les clubs se sont préparés dans le sens que ça faisait quand même quelques jours qu'on nous annonçait là, du mauvais temps. Alors, il y en a qui ont réussi à surfacer là, avant que la pluie commence pour garder un fond de sentier le plus droit possible. Mais définitivement, tant qu'il y a de la pluie comme ça... Ça nous blesse le cœur en tant que motoneigiste et surtout tous les bénévoles de club. Là, c'est qu'on ne sait pas là, si il va y avoir du verglas ou pas. Que ce soit juste de la pluie, c'est une chose, mais si ça tourne au verglas, ben là, encore une fois, les arbres vont se recoucher dans les sentiers parce qu'il y a plusieurs clubs qui ont fait des efforts immenses pour à cause de la neige mouillée qu'on a eu en début de saison, les arbres ont tout couché. Mais quand même, j'ai eu l'occasion de faire 500 km cette semaine, mardi, mercredi, dans des très belles conditions. Alors, au moins, je me dis, j'ai déjà 800 km de parcouru cette saison. Puis moi, je me dis, quand on fait de la motoneige avant Noël, c'est un surplus. Alors, tant mieux. Maintenant, ça va dépendre. Là. Je sais que ça va virer au froid à partir de demain. J'ai regardé un peu, là, les prévisions pour les prochains jours, que ce soit là, au Saguenay, dans la ville de Saguenay, la ville de Saint-Raymond-de-Portneuf ou ailleurs. S'il annonce du froid, alors l'eau va se retirer, bien sûr. Et ça peut faire... C'est sûr, c'est malheureux, mais ça peut faire une espèce de croûte qui va faire en sorte qu'au printemps, la neige va fondre moins rapidement parce qu'il y a des espèces de couches qui vont se créer dans le sentier de glace, puis après ça de la neige, puis de la glace, puis de la neige, de sorte que, habituellement, le sentier va résister plus longtemps avec le gros soleil du mois de mars. OK, OK. Mais ça arrive une couple de fois par année, ça. Il n'y a rien d'énervant là-dedans, là. Non, c'est pas que c'est énervant. C'est juste que ça demande beaucoup de travail aux bénévoles de club parce que, à cause des arbres et tout ça. Et là, malheureusement, oui, ça arrivait dans le passé, mais maintenant, de plus en plus, on a des périodes comme ça, de sorte que ça peut arriver qu'on a 2 à 3 périodes durant la saison que les bénévoles vont être obligés de couper les branches, couper les arbres, traîner les mêmes. Écoutez, là, il y a des clubs, là, je sais qu'il y a des clubs, ça a pris... 3 jours pour faire 6 km, puis ça prend des telles mécaniques, ça prend de la machinerie de l'autre parce que, les arbres sont trop gros. Alors, c'est tout ce travail-là, malheureusement, là, à cause de la température, puis les changements climatiques, on en parle souvent de différentes façons, mais les changements climatiques, ils sont là également pour la moutonnerie. Alors, c'est ça. On peut-tu, en tout cas, fait que ça, c'est un autre débat, là, mais ça, c'est une radio de sport, malheureusement, je peux pas débattre de ça, là, mais ça, c'est un autre débat. Monsieur Gariepi, ça prend combien de temps, de remettre, après une pluie verglaçante comme ça, là, ça prend combien de temps, de remettre les pistes en bon état, là? Une journée ou deux? Ben, ça dépend des secteurs, ça dépend de l'équipement que les clubs ont, mais règle générale, effectivement, une période de 48 heures, les sentiers se rétablissent. Puis, mais okay. Encore là, c'est qu'actuellement, il y a des secteurs qui ne sont pas encore tout à fait reliés, quoique il y en a beaucoup moins qu'il y a une semaine ou depuis les 10 derniers jours, là, on voit que c'est pas mal ouvert un peu partout, bien sûr. Il y a encore des régions qui n'ont pas la Montérégie, tout ça. D'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de motoneigistes de la Montérégie, de la région de Valleyfield, tout ça. Moi, j'ai fait dans la Naudière et la Mauricie. Alors, les gens se déplacent en remorque parce que, justement, là, il n'y a pas de neige du tout près de Montréal. Là, ça, c'est sûr. OK, OK. Ben, c'est sûr, hein, on s'en va plus dans le nord. C'est à partir de passer Victoriaville, on dirait que là, ça coupe en deux, hein? Tu es d'accord avec moi, c'est à peu près oui. ça? Oui, c'est à peu près ça. Hein? Oui, il y a un secteur, justement, Saint-Hyacinthe, Drummondville, puis même Victo. Parfois, il y a un manque de neige, mais vous faites quelques kilomètres, puis vous passez Warwick ou ailleurs, comme par exemple Saint-Fortuna, puis Kingwick, là, vous êtes dans la neige. Alors, il y a des corridors aussi de neige comme ça au Québec. Là. Mm. Entre autres, ici, au nord de Montréal, la région de Mirabel, il y a comme un petit corridor de neige. C'est pour ça que il y a des meilleures conditions là, dans ce secteur-là que dans d'autres secteurs près de Montréal. Okay. Ben, Monsieur Gariepi, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Au plaisir de se reparler en 2019, dès le premier vendredi, c'est quoi, on est 28, on est autour du 5 janvier, on s'en reparlera. Bon, ben c'est très bien. Ben, voilà, donc c'était M. Louis Gariepi qui était notre une chronique de motoneige.